Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 34e numéro du MAG, premier numéro de cette année 2016. On va donc revenir sur ce qui a occupé l'actualité des comics et de ses adaptations au ciné et à la télé durant la pause de Noël. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 34e numéro du MAG. Et avec moi ce soir, Arnaud Salut. et Ayash. Salut. Évidemment, on va pas commencer l'émission sans souhaiter à tous nos auditeurs une excellente année 2016. Bonne année à tout le monde. Bonne année Meilleur 2016. Meilleurs vœux. Une année qui s'annonce sous de très belles auspices, je pense. Épique. Et puis voilà, avec un programme bien chargé. C'est ça. Allez, on va commencer le programme de ce mag. Donc, comme d'habitude, l'actu télé. Après, on s'attardera sur les comics VF, l'actu ciné et les comics VO pour terminer. Donc, du côté de la télé, pour débuter, qui dit période de trêve? De toute façon, on va le voir, hein. Période de fête, pas énormément de grosses annonces, surtout des petits teasings, des petites choses comme ça. C'est bien sûr déjà le cas pour la télé. On a eu droit notamment à un teaser. Pour Agent Carter, une petite vidéo qui a été postée. Oh, ça fait un petit moment déjà. C'était la semaine de Noël, je crois. Enfin voilà, une vidéo assez courte qui prépare doucement et enfin gentiment, j'ai envie de dire le retour de Peggy Carter pour dans quelques semaines. Vous l'avez vu? Non, j'ai pas vu parce que je n'y suis toujours pas mis. Ah J'ai d'accord. vraiment mis, C'est mais vrai. ce Et sera du coup, tu vas commencer avec la saison 2, comme Maïs. je pense. Non, je vais commencer d'en voir hier. Bon alors, puisque vous ne l'avez pas vu, on va pas s'attarder spécialement dessus. Il n'y a pas grand-chose, hein, on va pas, voilà, il y a pas grand-chose dedans. C'était un petit cadeau de Noël pour les fans surtout. Des images de la saison 2 de Daredevil, Arnaud. Oui, on les attendait et on a eu les premières images, la vraie image, hein, c'est pas une manière de dire qu'on a eu un trailer. On a eu quelques photos grâce à Entertainment Weekly, qui a posté quelques photos le 29 décembre. Et donc des photos où on peut avoir un premier aperçu du Punisher et de Elektra. Je sais pas ce que vous en avez pensé, rien d'extraordinaire. Enfin, Elektra, elle est pas en costume, elle est juste en robe rouge. Oui, voilà, ça fait photo de tournage, quoi. C'est pas vraiment de la Ouais. promo, c'est voilà. Puis le costume du Punisher, bah, c'est un costume version série et plutôt version origin story que du Oui, là. Punisher dont on a l'habitude de voir dans les comics. Et Donc. en plus de ça, le magazine Entertainment Weekly qui a dévoilé les photos a balancé une petite bombe. Puisqu'ils ont inscrit que la saison 2 sortirait au mois de mars, Oui, voilà, c'est ça. ce qui n'est pas officiel. Netflix n'a jamais dévoilé de date. Et en plus, ce serait un mois avant la saison 1 qui était sortie au mois d'avril. Oui, en fait, le numéro d'Entertainment Weekly, on en reparlera tout à l'heure, hein, c'est un numéro preview sur l'année 2016 avec tous les gros trucs qui allaient sortir ciné, télé, enfin dans tous les domaines de l'entertainment en 2016. Et du coup, il fonctionnait de manière un peu chronologique. Et effectivement, sur les pages Mars, il y avait Daredevil. Donc voilà, est-ce que ça veut dire qu'ils ont l'info et qu'ils ont, entre guillemets, gaffé en disant que ça serait Mars? Ou est-ce que c'est une spéculation? Voilà, on ne sait pas. Il n'y a rien de confirmé, c'est peut-être pure spéculation. Et à la rigueur, ça peut être fin mars et au lieu de début avril cette année. Enfin voilà, c'est pas. Ou ça peut être le dernier vendredi du mois de mars. Voilà, on n'est pas vraiment dans une énorme différence non plus. En tout cas, ça arrive. Puis ça colle à peu près aux 6 mois que Netflix avait annoncé pour entre chaque série Marvel. Là, je sais plus, elle date de quand la saison 1? C'était Avril. d'accord, ok. Bah oui, ça fait bien, ça fait un an, c'est possible. Ouais. Que dire encore? Le synopsis de la saison 2, on va revenir sur Agent Carter avant de passer à la suite, parce qu'on a parlé juste avant, donc on va rester dessus. Le synopsis de la saison 2 a été dévoilé également pendant ces fêtes. On apprend effectivement que l'agent Peggy Carter va passer de la côte est à la côte ouest. C'est son chef Jack Thompson, donc joué par Chad Michael Murray, qui va l'envoyer sur la côte ouest pour rejoindre et travailler avec le chef de la côte ouest nouvellement nommé, qui n'est autre que Daniel Souza. qu'on a rencontré dans la saison 1. Donc, on aura une petite promotion. Et elle va être envoyée sur la côte ouest pour enquêter sur un mystérieux meurtre qui implique un corps qui brille et émane de la chaleur. C'est un vampire de Twilight ? Peut-être. Évidemment, Howard Stark, Edwin Jarvis, tous ces personnages seront là. Et sur la côte ouest, Peggy va rencontrer Anna, qui va être jouée par Lotte Verbeek. Voilà. Qui n'est autre que la femme de Jarvis. Enfin. Voilà, en gros, il y a d'autres informations, etc. Mais voilà, si on va un peu trop loin dans le synopsis, on pourrait peut-être rentrer dans le spoiler. Donc, on va s'en tenir à ça. Et du coup, c'est tout pour la partie Marvel des séries de l'actu télé. On va passer donc à la partie DC, qui va être entièrement occupée par la CW. Une annonce qui fait plaisir aux fans de Monsieur Thomas, Arnaud. Oui, enfin le crossover dont tout le monde a rêvé, c'est l'arrivée de Kristen Bell dans iZombie, puisque l'actrice va faire une petite apparition dans l'épisode 11, qui s'appelle 50 Shades of Grey Matter. Mm-hmm. Enfin, apparition, pas réellement, puisqu'en réalité, on ne la verra pas, et en fait, son apparition consiste en fait à juste une voice-over. On va faire la voix off comme elle a l'habitude de faire dans Veronica Mars et dans Gossip Girl. Elle fera une petite voix off dans l'épisode 11, qui y a déjà un résumé, puisque en fait, le cerveau que Liv a ingéré est celui d'une bibliothécaire qui aime écrire des fanfictions érotiques. Mm-hmm. On ne connaît pas le rôle de Kristen Bell, mais vu qu'elle fait une voice-over, on peut imaginer que ce soit le narrateur de ces fictions. Ouais. Donc ça risque d'être très drôle. C'est ça. On va rester du côté de la CW. Toujours des synopsis. Il y a pas mal d'infos qui sont tombées sous forme de synopsis pendant les vacances. Et The Flash notamment, des informations sur l'épisode de retour à Irish. Ouais. Donc là également, on a le synopsis de ce qui devrait se passer dans la reprise de mid-saison. Donc, en principe, Iris et Joe West vont donc prendre du temps pour connaître le nouvel arrivant dans la famille, West. Mm-hmm. Et en même temps, Barry va se poser la question de savoir s'il serait pas temps pour lui de révéler son identité à Patty. Mm-hmm. C'est ce qui indique déjà un rôle. Ça serait une tellement bonne idée. Ouais, moi j'aimerais bien, ça me ferait bien plaisir. Et simultanément, ils devront se battre contre un état humain qui lui a le pouvoir de ralentir le temps. D'accord. Patty qui connaît l'identité de Barry Allen dans la version comics de Flash, donc à la rigueur, ça serait logique, mais... Que tout le monde le sache, ça... Toute la ville pouvait éviter d'être au courant, ça serait pas mal, quoi. Bon, pas de nouvelles de Zoom, par contre, donc... Il va rester au chaud un petit moment. Ouais. Un ou deux épisodes avant de revenir, hein. Laisser les choses redémarrer, surtout avec Wally. Et puis Legends of Tomorrow, on avait également le synopsis du pilote, toujours toi, Irish, qui nous en parle. Oui, bon, d'ailleurs, synopsis qui avait déjà été pas mal dévoilé. Oui, ben voilà, il y a gros éléments dont on se doutait dans les bandes annonces. Voilà, dans la bande annonce. Bon, ce qui devrait se passer, en gros, si en 2166, Vandal Savage, qu'on a pu voir dans les épisodes crossover, sera sur le point de détruire l'humanité. Et donc Rip Hunter qui va retourner dans le temps pour former une équipe de super-héros pour pouvoir le battre, pour pouvoir le détruire avant d'arriver à cette année 2066. Donc l'équipe, on la connaît déjà à peu près. Hein. Okay. Ça devrait commencer le 21 janvier 2016. Là, voilà, on a quelques semaines plus ou moins tranquilles pour faire nos bilans de mi-saison, etc. Et puis après, on va repartir assez rapidement dans le retour de ces séries, le début de Legends of Tomorrow, enfin voilà, on a pas mal d'arrivées encore. Profitons de ces quelques semaines de calme. Exactement. Et puis pour terminer la tournée des synopsis, le retour d'Arrow, Heinrich. Eh oui, encore un retour. Mais cette fois-ci, donc on va reprendre, on s'est arrêté. C'est assez simple, hein. Oliver, il va se lancer dans une chasse à l'homme contre Daniel Dark, à cause de pour ceux qui ont vu le mid-season final, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas si je peux dévoiler. Dans le mag, on va éviter. Donc, quelque chose d'assez grave, une attaque contre Oliver de la part de Daniel Dark, qui est bon. Oliver va se lancer dans une chasse à l'homme contre lui pour se venger. Voilà. On s'en doutait pas. On s'en doutait pas. Quoique, il n'y a aucune notion. Il y a, non, il n'y a rien sur les événements. C'est Voilà. normal. C'est normal. Voilà, pour l'actu télé, bah, pas grand-chose, hein, on vous le disait. L'actu comics VF, un peu plus de choses grâce à Urban notamment. Mais avant de s'attaquer à Urban Comics qui a dévoilé son planning pour le deuxième trimestre, qui a presque tout dévoilé, le fameux rapport de la CBD, rapport annuel, sur un petit peu l'état des lieux du marché de la BD en France, est sorti donc en toute fin d'année, et on trouve des informations assez intéressantes concernant le marché du comics. En France, c'est vrai, on n'a jamais de chiffres. Tous les mois en VO, on a les chiffres de vente, les pourcentages par éditeur, le nombre d'exemplaires vendus pour les TPB, pour les singles, etc. En France, rien, c'est assez opaque. Donc il n'y a que ce rapport tous les ans qui nous donne quelques infos. Sur le terme, sur les infos un peu globales, on va dire, 19 éditeurs quand même en France qui publient les comics. Ah ouais, donc ça? Bah ouais, c'est beaucoup. Évidemment, c'est Panini quand on publie le plus. Urban arrive derrière, et puis après, c'est Delcourt et Glénat qui est juste au pied du podium. Chaque mois, on a en moyenne, enfin, on a entre 15 et 50 comics qui sortent en librairie. 15, c'est pour le mois de décembre parce que les éditeurs sortent tout en novembre pour Noël. Et sur les autres mois, c'est à chaque fois entre 30 et 50 publications comics sur les rayons. Donc, juste en librairie. Ah ouais, d'accord. C'est quand même pas mal. Au niveau de nombre total de comics sortis en 2015, c'est 419. L'année dernière, on était à 372. Vache. Voilà. Donc, effectivement, Sûrement dû progression du marché, ça c'est sûr. grâce au cinéma, sans doute. Peut-être. Bah, peut-être plus en France à la rigueur qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, j'y crois pas du tout que le cinéma ait une influence sur la vente de comics. En France, Non, parce peut-être que un ça peu plus, parce que intégrait leur argent. les éditeurs sont peut-être un peu plus opportunistes en mettant des gros macarons sur les séries télé, sur les films, etc. Donc, c'est possible, Bah, effectivement. il y a une grosse vague qui s'est créée, ou, comment dire, un gros intérêt qui s'est créé depuis que Marvel a créé le MCU. Ouais. Donc du coup peut-être qu'en France effectivement ce genre de choses a plus d'impact. Et puis après on apprend des choses intéressantes sur les tirages. On n'a pas d'informations sur les ventes, mais on sait à combien d'exemplaires sont imprimées certaines choses. C'est assez intéressant. Le comics le plus édité, le plus imprimé le plus en France, c'est effectivement Walking Dead, qui a un tirage de 100 000 exemplaires par tome. Ah ouais. Donc les Ah, c'est 100 000 pas mal. ne se sont pas vendus en 2015, hein. Voilà, il y en a qui mettront le temps de se vendre, mais en tout cas voilà, sur chaque tome, ils en éditent 100 000. On est déjà au tome 24, donc ça veut dire que la série se porte hyper bien pour que sur un tome 24, on sorte direct 100 000 exemplaires en premier tirage. Juste derrière, bon, c'est Garfield, c'est du comics, hein, mais bon, Ah. Garfield et les albums liés aux Simpsons qui sont entre 45 et 50 000 exemplaires par tirage. C'est pas Il y a étonnant, monde sur les Simpsons. il y a un public pour ça, hein, pour notamment les Simpsons. Ah ouais, tous les gosses je déjà. suis en enfin, non. Les gosses et les téléspectateurs de W9 aussi. Ah Donc, ouais, mais moi je suis un gros gros fan. Hein. J'en ai mangé des Simpsons. Je voilà, pense tome que 28 qui est j'ai sorti cette vu année, édité à 45 000 exemplaires. 28. Ouais, c'était le 28e tome BD des Simpsons. Ils ont sorti 3 tomes, 26, 27 et 28. Juste derrière, on trouve un graphic novel que j'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais qui me tarde. C'est Le Sculpteur de Scott McCloud, 40 000 exemplaires. Donc l'éditeur, c'est Rue de Sèvres. Et puis pour ce qui est comics, un peu plus, voilà, qui nous parleront à nous. Star Wars, Voyage vers Star Wars, Le Réveil de la Force, 35 000 exemplaires. J'aurais pu penser plus. Je pensais que Panini allait taper un peu plus haut, mais bon, 35 000 vu l'état du marché, c'est pas mal, hein. Parce que derrière, la série qui vend le plus, bah évidemment, on a tous les tomes de Star Wars qui sont à 25 000 exemplaires. Star Wars tome 1, Darth Vader tome 1, Star Wars Rebels tome 1, 22 000 exemplaires, Princesse Leia 20 000, Kanan 20 000, enfin voilà, toutes les séries Star Wars sortent bien. Et après, c'est Batman, évidemment, hein, 25 000 exemplaires par tome. Voilà en gros ce qui est puis Civil War, évidemment, le prélude à Civil War qui est sorti à 21 000 exemplaires cette année. Et Voilà. toujours du Civil War, j'ai l'impression. Toujours du Civil War, tous les ans. Je Et le vois puis partout. Harley Quinn, qui est le dernier titre dont on a le chiffre qui est communiqué, c'est 20 000. C'est pas mal pour Harley Quinn. 20 000 pour le tome 1, ouais, clairement, Urban compte sur le film Suicide Squad pour. Et puis aussi sur l'avenue de Bruce Timm, enfin là, il y a plein de choses aussi en 2015 en 2016 plutôt, qui vont se passer autour d'Harley Quinn. Donc effectivement, je pense qu'Urban a anticipé ça. Et c'est plutôt pas mal. C'est malin s'il y a du monde qui saute dessus les Voilà. prochains mois. Et alors, pour les kiosques, il y a quand même quelques chiffres qui sont sortis. 32 titres en kiosque différents. entre les hors-séries, les mensuels, les trimestriels, les machins, ça en fait 32. 4 de moins quand même que 4 de moins que l'année dernière, il y en avait 36. Ça sent pas. Panini en édite 27, Urban 4, et Delcourt, c'est le mag consacré à Walking Dead qui est considéré en publication comics. Y a un magazine, Vinted? Ouais. D'accord. Ouais. En comics kiosque, c'est Batman Saga qui est le plus vendu, et juste derrière, c'est les crossovers Marvel. Voilà. Mais après, on ne sait pas exactement le nombre, quoi. Il n'y a pas de le nombre de tirages non plus. J'ai pas trouvé. Donc peut-être que c'est dedans, mais le rapport est assez long à lire, donc je ne suis peut-être pas allé jusqu'à l'endroit où c'était indiqué, mais voilà, on a quelques infos. En tout cas, voilà, c'est bien Batman Saga qui est le plus vendu, on pouvait s'en douter. Et il y a fort à parier qu'on ait de gros tirages sur Secret Wars en janvier. Donc on verra ça dans le rapport 2016, mais je pense que Panini va mettre un peu, comment dire, occuper les étalages, prendre de la place. Est-ce qu'ils ont raison? Bon, ils ont un événement qui remet tout plus ou moins à zéro, qui est un peu à part de tout ce qui s'est passé jusque-là, donc pourquoi pas, oui. C'est pas si déconnant que ça. Voilà pour le rapport 2015, on va s'arrêter là sur les chiffres, et on va parler de Urban Comics qui a dévoilé donc son planning, qui a commencé petit à petit à dévoiler son planning pour avril, mai et juin 2016. Donc on va commencer avec avril. En avril, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va avoir Batman du cri dans la nuit, bon, voilà, ok. Infinite Crisis, le tome 5, le tome 1 de Suicide Squad, tiens donc. Batman, l'énigme de Red Hood, ça c'est quelque chose qui va être à ne pas manquer. Y a le film avec? Non, a priori non. C'est Under the Red Hood, ça fait, je crois que ça fait 500 pages, un truc comme ça, et c'est 35 euros. C'est un énorme bouquin. Il faudrait que je trouve sur la checklist exactement combien de pages. Pendant ce temps, voilà, nouvelle série Image, c'est Rat Queens qui arrive pour le tome 1 à 10 euros. Le tome 3 de Deadly Class, c'est aussi pour avril. En même temps que le tome 1 de Suiciders, la série de Liber Mero, donc 15 euros au mois d'avril. Tome 2 de Bad Girl, Tokyo Ghost, encore un tome 1 Image à 10 euros, qui va sortir à la fois en couleur, mais aussi en noir et blanc, le même mois. Le 8 avril en noir et blanc pour 15 euros, parce que Sean Murphy qui est au dessin, donc forcément c'est assez joli, donc ça vaut le coup d'avoir une édition noir et blanc. Et puis quelques jours plus tard, à la fin du mois, ce sera la version couleur pour 10 euros. Donc là, vous avez le choix du support, le choix du format, de la couleur, tout ça. Donc c'est plutôt original comme proposition de la part d'Urban, qui a tendance à généraliser le noir et blanc. Mais au moins, ils n'ont pas attendu 6 mois pour le sortir, C'est ça. pour te le 504 faire pages. acheter. 504 pages pour Under the Redwood, l'album, voilà, à 35 euros. Donc c'est un bon gros tome. Il y a quelques titres qui n'ont pas encore été annoncés, mais bon. Non, a priori pour avril, c'est complet. C'est pour mai et juin, il y a quelques titres qui ne sont pas encore annoncés. Et c'est toi, Arnaud, qui va nous parler de mai et de juin. Oui, alors déjà au mois de mai, c'est le deuxième tome de Grayson. Alors que le 1 est sorti il y a pas très longtemps, 2 mois, il me semble. Fin novembre, je crois. Fin novembre. Donc c'est la suite de la série. Donc toujours pour 19 euros, 208 pages pour 19 euros le 6 mai. Donc c'est raisonnable. Ensuite, il y a une série Image qui s'appelle Bottomlands. Donc pour 10 euros. Le tome 5 de Earth 2. Le tome 2 de Superman et Wonder Woman. Le tome 8 de Batman avec la disparition de Bruce Wayne et l'arrivée de quelqu'un d'autre sous le costume ou plutôt sous l'armure de Batman. Donc ça, c'est le 27 mai pour 192 pages pour 17,50 €. Et attention, comment Urban spoil l'identité de la personne sous l'armure. Ensuite, pareil, à la fin du mois, c'est le tome 2 de Catwoman Eternal. Pas forcément nécessaire, je pense, mais c'est des fans. Voilà. Et c'est tout, il me semble, oui, c'est tout pour le mois de mai. Et au mois de juin, c'est le tome 2 de Gotham Academy. Le tome 1 de Planetary de Warren Ellis et John Cassaday pour 28 euros. Un gros bouquin de je ne sais pas combien de pages, j'ai oublié de regarder. Pour 400 pages pour 28 euros. Il y a les 12 premiers, 13 premiers numéros. Donc, bon gros bouquin. Le tome 4 de Ex Machina. Et ensuite, il y a deux albums, Crisis and Infinite Earth. Alors, il est là l'événement du mois de le vrai gros événement du mois de juin hein, chez Urban. Ouais, qui sortent tous les deux. Crisis on Infinite Earth, le compagnon, sort le 17 juin pour 544 pages pour 35 €. Et Crisis on Infinite Earth sort le 24 juin pour 500 pages pour 35 €. Voilà, donc en gros, vous avez deux gros bouquins qui font plus de 1000 pages en tout, qui vont sortir à une semaine d'intervalle pour découvrir le gros event Crisis on Infinite Earth, qui a marqué l'histoire de DC. Donc, Ouais. c'était demandé. Et la dernière sortie du mois de juin, pour le moment, mais on peut peut-être en rajouter dans les prochains mois, c'est le 24 juin. Donc c'est un livre qui s'appelle Painted Comics, de la toile à la planche, hein, qui n'est pas un comics, mais un beau livre de 392 pages pour 39 € d'Alex Ross, hein, qui reprend plein de dessins de personnages, que ce soit dans les pulps américains des années 30, les livres de Paul des années 50-60, tous les comic books qui ont vu la création de plein de super-héros comme Batman et d'autres moins connus comme le Shadow ou The Spider. Et donc c'est l'occasion de découvrir plein d'histoires toute l'histoire de la peinture dans la bande dessinée américaine. Ok. Je me demande si ce bouquin-là avait pas déjà été sollicité, il n'a pas été repoussé, parce que ça me dit quand même quelque Moi chose. aussi. Voilà. Juste si on va faire un petit tour du côté d'Amazon, on peut trouver ce qui va sortir, ce qui n'a pas été annoncé par Urban. Donc pour le mois de mai, on aura le deuxième tome de Trees, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et puis Batman and Robin Eternal qui devrait arriver aussi en mai. Alors c'est très conditionnel, hein, c'est les trucs Amazon. Voilà, Amazon est fort, enfin, tous les sites qui annoncent un peu les titres avant les éditeurs. Et puis en juin, la grosse annonce qui n'est pas encore tombée du côté d'Urban, c'est le tome 6 de Saga. Ah, Voilà, le tome 6 de Saga, a priori en juin, avec la suite de Batman Black and White et Batman Années 100. Et puis Harley Quinn et Power Girl aussi. Voilà, des choses. Il y a quelques trucs encore qui restent à annoncer assez intéressantes du côté d'Urban pour les mois de mai et juin. Voilà pour l'actu VF. Rapidement, je vous propose de répondre à la question de la semaine. On a changé d'année, ça n'a échappé à personne. Et je voulais juste qu'on prenne quelques minutes pour exprimer un peu nos attentes pour 2016, que ce soit en comics, au cinéma ou à la télé. Voilà, qu'est-ce que vous attendez, vous, pour 2016? Irish, ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu, donc on va peut-être te laisser répondre en premier. Ouais. Niveau série, je dirais Agents of Shield, Ouais. en espérant que ça continue sur sa lancée, que ça garde le même rythme. J'ai hâte de voir un peu ce qui nous prépare pour l'introduction de Civil War. Voilà. Côté cinéma, là, les attentes sont multiples. J'ai un peu hâte de voir comment le DC Universe va se mettre en place. Est-ce que les films seront bons? Est-ce qu'on aura droit à quelque chose de potable, de meilleur que l'univers Marvel, puisque c'est ce qu'ils essaient de vendre. Ensuite, une interrogation concernant X-Men Apocalypse. Parce que moi, je fais partie de ceux qui, je vais pas dire exact, mais qui trouvent qu'il y avait une hype un peu trop énorme sur le Days of Future Past, que j'avais trouvé mais vraiment très moyen. Et j'espère qu'on n'aura pas droit à peu près la même chose. Je suis bien d'accord avec toi sur X-Men Days of Future Past. J'étais un peu seul contre tous, je me rappelle quand on avait fait le podcast sur le film, mais voilà, Je je vais suis pas bien revenir dessus, d'accord. mais j'ai pas mal de griefs dessus. Ensuite, Deadpool, j'espère va transformer l'essai. Parce que tout ce que je vois, que ce soit au niveau communication, au niveau bande-annonce, ça s'annonce vraiment vraiment prometteur. Notamment la dernière bande-annonce, on en reparlera de toute façon. Donc voilà, en gros, comment on a mis cinéma, c'est Disons comme ça. qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le cas de Deadpool, qui est quand même assez intéressant. Si le film se plante avec la communication qui a été faite, enfin voilà, enfin ce qui a été donné en com, en images, notamment par Ryan Reynolds et tout Ouais, ça, j'allais dire ce point, mais surtout. toute cette espèce d'ambiance qui est créée autour du film, voilà, si derrière ça rit, ça n'est pas suivi dans le film et que le film c'est pas terrible ou Un autre. Fantastic Four 2. si on, si on se prend une déception derrière, la Fox, à mon avis, va prendre un sacré coup dans les reins. Ouais. Bah, en fait, surtout que toute la promo est axée sur Deadpool, sur le personnage, sur le côté fun de Deadpool et de Ryan Reynolds qui est à fond dans son rôle. Mais au final, on connaît rien de l'histoire. Le méchant, on n'en sait rien non plus. Donc, tout est axé sur Deadpool. Faudrait pas non plus que toutes les blagues soient dans la bande-annonce. Ouais, c'est... Donc, c'est assez... J'ai très envie de le voir, mais c'est assez particulier quand même. Voilà, ça, effectivement, ils ont réussi à nous donner envie, ça, y a pas de souci. Mais après, ils vont être attendus au tournant. Donc, a priori, peut-être 1h46. C'est une petite rumeur sur la durée du film, à confirmer dans la semaine, à mon avis. Mais effectivement, voilà, avec tout ce qu'a vu, tout le barouf autour de Deadpool... Mais de toute façon, on le saura assez vite. Hein, parce que l'erreur risque de coûter cher. Bah, de toute façon, oui, c'est dans un mois maintenant. Donc... Oui, c'est le premier à ouvrir le bal. Dans moins de 40 jours, on sera au cinéma pour voir Deadpool. Quoi. Et après, c'est une fois par mois quasiment. C'est ça. Et puis, côté comics, toi, t'en dis pas trop. Donc, est-ce que je te demande quand même tes attentes? Non. Je pense peut-être me mettre à Saga. Comme tout ce que je... Ah, enfin. Voilà. Ok. Voilà. On s'incline. Voilà. Il y en a plusieurs qui m'ont donné un peu envie. Ok. Eh ben, tu nous en diras des nouvelles alors. D'accord. Ça marche. Arnaud, tes attentes pour 2016, comics, séries, tout ça, films. Ciné, déjà comme on vient de le dire, Deadpool. Et aussi comme Irish, le lancement du DC Extended Universe, parce que le MCU c'est bien, mais depuis le temps qu'on attend le DC au ciné, il faut pas qu'il se rate non plus. Il joue gros, sans doute même plus gros que la Fox. Donc avec Batman v Superman et bien sûr Suicide Squad. Donc j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Après Civil War aussi, mais bon, pour l'instant la hype est pas encore trop là. Et Doctor Strange, je pense que la hype n'arrivera même pas à la veille du film. Et sinon, série Luke Cage. J'attends beaucoup Luke Cage parce que je connais mal le personnage, enfin même pas du tout. Et je l'ai adoré dans Jessica Jones, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et une saison 4 pour Agents of S.H.I.E.L.D. Je veux une saison 4, même si je pense qu'elle l'aura, mais elle aura une dernière saison 4. Et sinon, Caro devient un tout petit peu intéressant, ça ce serait bien. Bon, tu peux pas tout avoir, tu peux pas avoir une saison 4 d'Agents of S.H.I.E.L.D. et Arrow intéressant. Ouais, voilà, faut... ouais Agents of S.H.I.E.L.D. saison 4 alors. Mais vas-y, hein, tu fais tes vœux pour l'année, donc vas-y, souhaite. Ou l'annulation d'Arrow, même si j'y crois pas. Mais là, ça serait vraiment, vraiment un beau rêve. Hein. Et sinon, Rogue One aussi. J'attends Rogue One aussi, t'as un peu moins d'un an. En espérant que le lancement des épisodes anthologiques de Star Wars soit bon et qu'on soit pas gavé de Star Wars chaque année. Bah c'est ce qu'elle arrive. Oui, enfin qu'on n'en ait pas marre. Qu'on n'en ait pas marre, je veux dire. Et sinon, au niveau comics, j'attends la PCE déjà. La PCE nouvelle formule, voir ce que ça va donner. Surtout PCE nouvelle formule, en plus rallongée. Sinon, j'attends aussi beaucoup, forcément, ça va pas être une surprise, mais la nouvelle mini-série de Joss Whedon, Twist, chez Dark Horse. Et puis, c'est tout. Ok. Déjà pas mal. J'ai déjà pas mal. Alors moi, qu'est-ce que j'attends pour 2016 Au ciné, j'attends Rogue One et Suicide Squad. Ah ouais. Batman vs Superman, je l'attends de moins en moins. Deadpool, j'en ai un peu peur, donc je l'attends modérément, mais ouais, surtout Rogue One et Suicide Squad, qui vont être à mon avis de vrais tests pour les studios respectifs. Du côté de la télé, qu'est-ce que j'attends? J'attends Preacher et j'attends aussi Outcast. Parce que voilà, on touche à Outcast, une excellente série indé, et puis Preacher, on touche quand même à quelque chose d'assez important dans l'histoire de Vertigo et tout ça. Donc j'attends bien ces deux séries, évidemment, qu'Agents of S.H.I.E.L.D. continue, etc. Daredevil, j'attends pas trop, j'en ai même peur de sa saison 2. Luke Cage, à voir. Mais voilà, surtout Preacher et Outcast. Et puis la saison 2 de Powers, évidemment. et en comics, qu'est-ce que j'aimerais en comics pas grand chose, là. Je suis un peu blasé là. des comportements des deux grands éditeurs. Donc Image continue son offensive, voilà, j'ai envie de dire. Voilà. Qu'Image continue à nous faire rêver, puisque DC et Marvel n'y arrivent plus trop, donc à la rigueur. Si Image pouvait se maintenir à un bon niveau, ça serait cool. Et puis j'attends aussi de voir ce que va donner la reprise de Valiant en France par Bliss Comics. Valiant, c'est un univers que j'aime beaucoup, donc je suis très content que ça soit repris. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce qu'ils vont en faire. Et ben voilà pour 2016, du coup on va revenir à l'actu ciné. L'actu ciné, elle commence avec toi Arnaud, et c'est une date pour l'animé Spider-Man. Oui, alors il va y avoir un film live action de Spider-Man avec Tom Holland, mais il va y avoir, donc il sort à l'été 2017, mais il va y aussi avoir un film d'animation qui n'est pas un téléfilm mais un film qui passera au ciné, et il avait été annoncé un an plus tard pour l'été 2018. Finalement il a été un petit peu décalé, ce sera pour le 21 décembre 2018, donc un film réalisé par le duo Phil Lord et Chris Miller. Il sortira au ciné ou directement en DVD? Tu viens de le dire, au ciné. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Et il fait partie, c'est pas un film à côté, il fait partie de l'univers de Spider-Man. Donc voilà, pour cet animé Spider-Man, on a le temps de voir venir. Ce qui va arriver un peu plus vite, par contre, même très vite, parce que c'est le 24 février que ça va sortir, c'est le prochain animé DC qui sortira, donc lui en direct ou DVD, Blu-ray et compagnie. Donc la date française est tombée, c'est le 24 février que ça sortira. Pour moins de 9€ pour le DVD, 8,99€ pour le DVD, et si vous prenez en format Blu-ray, alors je ne sais pas si y a l'édition habituelle à 15€, mais en tout cas, vous avez une édition de luxe, donc le Blu-ray dans un coffret avec une figurine de Nightwing, une figurine d'une bonne dizaine de centimètres de haut, qui a l'air plutôt sympa, le coffret voilà, a l'air assez chouette, et celui-là, il est en vente à 22,99€ sur Amazon. Voilà. Donc exclu Amazon ou pas, je sais pas, non, je pense pas, je pense que Fnac et les autres le vendent aussi, mais en tout cas, voilà, belle figurine de Nightwing pour les fans du personnage, avec le Blu-ray de l'animé, du coup. Voilà. Tu peux sortir ça pour Noël, merde. Ah bah non, y a pas que Noël. Y a pas que Nightwing Noël. Et Batwoman, c'est pour moi, merde. Ils l'ont sorti pour mon anniversaire, qui est, je vous le rappelle, 4 jours plus tard. Irish, grosse chose qui est sortie pendant Noël, évidemment, on en parlait tout à l'heure. Le trailer ouais. De Deadpool, le deuxième trailer de Deadpool. Le deuxième trailer de Deadpool, qui, comme je disais également tout à l'heure, a mis à peu près l'eau à la bouche de pas mal de gens. On y voit. Bah, tu disais, on sait pas trop ce qui se passe par rapport au méchant. Bon, le méchant, on le voit à peu près. Oui. Pas sûr que ce soit lui, mais on connaît ses motivations, on connaît un peu son histoire, on parle un peu rapidement de son histoire. Mais on voit également Colossus, qui est un des X-Men, et aussi, on laisse entendre aussi dans la bande-annonce que Deadpool ne veut pas faire partie des X-Men. Oui, non, a priori, non. Voilà, c'est ça. Donc, on l'avait déjà vu dans le trailer. Oui, on l'avait déjà vu dans la première. Mais il est très drôle, il est très c'est très drôle. Il y a de l'action, il y a du sang. Ça promet énormément. Voilà, ça, j'ai envie de dire, ça promet encore plus de choses que le premier. Donc, c'est vraiment pour ça que je commence à être un petit peu tendu là, et me dire, est-ce qu'ils en font pas un peu trop, et du coup, est-ce qu'on va pas attendre trop de choses? Ouais, surtout au niveau des situations comiques, il y en a pas mal. La scène de fin avec... Il y a beaucoup de blagues. J'aime aussi, parce que dans la première bande-annonce, il y avait juste un passage que je trouvais pas très drôle, où il disait « tu ressembles à la carte de Facebook, les États-Unis avec ça », je sais pas. Je me souviens de ce passage, moi je trouvais pas ça très drôle. Mais dans la deuxième bande-annonce, il y a vraiment des scènes qui étaient... Ouais, c'est ça. Après Deadpool, hein, les comics Deadpool, c'est minimum 3 gags par page, donc ouais. Voilà, si au ciné c'est le même rythme, ce qu'on a appris sur la durée, que du coup j'ai un peu spoilé tout à l'heure, Irish, c'est plutôt une bonne nouvelle du coup, parce qu'on risque d'être plus de 2 heures de blagues de Deadpool. Donc en principe le film devrait durer, bon ça reste à confirmer, comme on disait également tout à l'heure, 1h46. Moi, par contre, ça me dérange, mais je trouve ça un peu court. C'est rare que généralement, les films de la Fox, c'est généralement 2 heures, pour ce genre de film. Même les films comics tout court, en général, c'est assez long. Oui. Mais au final, c'est bien, tu vas passer plein de temps en salle de ciné pour cette année, entre Civil War, entre Batman, Suicide Squad, tous les trucs qui vont sortir. Donc c'est bien de commencer tranquille, 1h40, voilà. Mais pour un personnage qui n'a pas encore été introduit, Bah, c'est une origin story en même temps, donc. Oui, voilà. Donc, à 1h46, ça peut suffire. Hein. C'est pas mal 1h46 pour c'est les bien gens. Fait. Si tu prends en compte le temps, si je prends par exemple des ordres de Fantasy Four où tu avais une heure d'introduction pour. Ils vont le faire autrement, en espérant. Oui, espérons que l'intro, je sais pas, je pense pas qu'ils vont envoyer Valentine l'introduction en 10 minutes pour ce. Bon, je sais pas. Bah, à voir. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse 2h30. Après, j'ai ça, peut-être que tu me diras après 1 heure plus tard que ça se termine. De toute façon, on en reparle dans 40 jours maintenant. Qu'est-ce qu'on a eu pendant ces fêtes? On a eu les premières images officielles de Doctor Strange. Je vous parlais tout à l'heure du magazine de Entertainment Weekly, qui est un magazine preview 2007. Donc il y avait aussi les premières images officielles du Doctor Strange par Benedict Cumberbatch. Des images qui sont plutôt fidèles à ce qu'on peut s'attendre du Doctor Strange. Voilà, un costume ouais. Et assez classique. Pas désagréable. Assez bien. Non. Pour le coup, l'acteur rend plutôt bien dans le costume. Pour le coup, voilà. Mais moi, je me demande si c'est vraiment un personnage qui sera vraiment spotable. Allez, on termine. On termine ce mag avec rapidement. Vous savez que Secret Wars arrive en France cette semaine. Ben, aujourd'hui, mardi, logiquement, 4 janvier. Même si les titres sont dispo depuis une petite semaine maintenant dans la plupart des kiosques de France, Secret Wars arrive. Vous avez le magazine Secret Wars plus 10 magazines en parallèle. Donc évidemment, j'imagine que tout le monde n'a pas l'intention de suivre la totalité du crossover. Donc du coup, je me les suis tapés pour vous. Si je dois vous faire, en dehors du magazine Secret Wars principal qui est indispensable si on veut suivre Secret Wars, si je dois vous en conseiller trois, ce serait Avengers, Civil War et l'autre c'était Avengers, Civil War et puis j'ai oublié le dernier, qu'est-ce qui était bien? Deadpool. Avengers, Civil War, non, Spider-Man. Oui, c'était Spider-Man, c'est ça. Et puis, si vraiment on doit passer à 5 mags, oui, je rajoute Deadpool pour faire le cinquième. Mais voilà, le magazine principal, plus Civil War, plus Avengers, plus Spider-Man, c'est à mon avis le haut du panier. Deadpool n'est pas très loin derrière. Et s'il y en a que vous devez absolument éviter, parce qu'il y en a qui sont à éviter, ça sera évidemment Battle World, qui était une plaie à lire. Old Man Logan, c'était quand même assez compliqué aussi, à part le premier épisode qui est plutôt beau grâce à Andrea Sorrentino, le reste, il fallait se l'enchaîner. Et puis Ultimate End, je l'ai pas trouvé terrible non plus. Voilà. Voilà, donc pour sinon vous avez toutes mes chroniques au rythme de une par jour. Donc normalement le autour du 10-11 janvier, vous devriez avoir les chroniques des 11 magazines si vous voulez plus de détails sur les épisodes, etc., pour faire un peu plus votre avis. Vous aurez tout sur le site. On termine avec une actu VO qui est une rumeur pour le moment, qui voudrait que peut-être chez DC on se prépare à un relaunch en 2016, parce que toutes les anciennes séries des New 52, là, qui ont maintenant 4 ou 5 ans, septembre 2011, arriveront à leur numéro 52 dans l'année, numéro important dans l'histoire de DC. Donc voilà, il y a des rumeurs qui disent qu'après ce numéro-là, peut-être relaunch. Peut-être pas. Du coup, voilà, peut-être relaunch, peut-être pas, mais vu l'état des ventes chez DC, je pense qu'ils doivent y réfléchir très sérieusement à redémarrer avec plein de numéro 1 pour vendre. Et puis, peut-être qu'ils pensent également à ça, et c'est aussi en rumeur, peut-être que certains titres pourraient passer en 2016 en bimensuel. On sait que c'est le cas chez DC pour les gros titres, notamment Avengers, Spider-Man et compagnie, qui sortent deux fois par mois. Ben voilà, les grosses machines de DC pourraient suivre le pas et passer, elles aussi, à deux sorties par mois. Voilà. Ce qui ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Voilà, pour ce mag de reprise de l'année, on va dire. On va se retrouver jeudi pour la reprise de Sur nos écrans, qui ne vous a pas vraiment quitté, hein, parce que vous avez eu deux débriefs pendant les vacances, mais on reprend pour 2016 avec un débrief de la première moitié de saison d'Agents of S.H.I.E.L.D. Donc a priori, on devrait un peu plus s'amuser que sur Gotham la semaine dernière. On se retrouve mardi prochain pour le prochain mag, et puis évidemment sur comicstories.fr pour les articles, et pour retrouver tous les anciens podcasts sur comicstories.fr ou sur PodCloud. D'ici jeudi pour Sous nos écrans ou mardi, selon si vous ne suivez que le mag, évidemment, bonne série, bon comics et à bientôt. Salut. Salut.